Section 16 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johanne. Chapitre 16. Tu ne t'es pas trompé, commença Georges, en supposant qu'il y avait promesse de mariage, comme on dit au prône, entre Charlotte de la Hérodière, de cette paroisse, et Georges Safarel, de Paris. Narbanton s'arrêta et tourna la tête vers la mer, c'est-à-dire du côté opposé à celui où se trouvait Georges. « Qu'as-tu ? » demanda celui-ci, surpris de ce brusque mouvement. « Je cherche mon chien. Fais-le, ici !» Puis, quand le chien fut revenu en courant, « Tu disais donc, » demanda Narbanton, « qu'il y avait promesse de mariage entre vous. Je disais qu'il y avait et qu'il y a promesse, car ce projet de mariage n'est pas rompu. » Georges raconta alors comment ce projet avait été conçu par sa tante, et comment la réalisation en avait été suspendue à la condition que M. de la Hérodière avait cru devoir imposer. « Maintenant, le délai fixé par mon oncle, dit-il, est sur le point d'expirer. Et avant de retourner à Paris, le point de savoir si j'épouse ou n'épouse pas Charlotte sera décidé. Si je t'ai bien compris, la solution de cette question dépendrait donc de M. de la Hérodière. Et de moi. Si mon oncle s'est réservé le droit de me refuser sa fille, de mon côté, je ne suis pas plus engagé que lui, et je peux me retirer. Voilà pourquoi, mon cher, je te disais que ta présence pouvait me rendre service. Elle prolonge une situation que les uns et les autres nous n'osons trancher. Et cela te satisfait de rester ainsi dans l'indécision ? Cela nous permet de faire notre examen de conscience, et de ne nous prononcer l'un et l'autre qu'après réflexion. « Et que devient Mademoiselle Charlotte pendant ces réflexions de deux vieillards qui se croient sages ?»« Il ne s'agit pas de Charlotte. Mon oncle a voulu que cette décision à prendre restât entre nous deux. Charlotte ne doit pas juger en premier ressort. Elle confirmera ou cassera. Jusqu'au jour où nous porterons le débat devant elle, elle n'a pas à s'en mêler, au moins d'une façon officielle. Puisque la cause est encore pendante, donne-moi ton sentiment. L'homme politique doit-il se marier ?» Narbanton, qui marchait d'un air grave et recueilli, comme s'il suivait sa pensée, se mit tout à coup à rire et répliqua « Ce sera plutôt fait et expédié à trois baudets, comme dit Panurge. Et mon avis est celui de Pantagruel. Mariez-vous donc de par Dieu, ou point ne vous mariez, car en cette proposition, il y a tant de si et tant de mais que je ne saurois rien fonder ni rien résoudre. En un sujet aussi grave, tu me permettras de trouver la plaisanterie de mauvais goût. Mais aussi, a-t-on jamais vu personne censée demander si elle doit ou ne doit pas se marier ? Suis-je dans ta peau pour te répondre ? Et sais-je s'il y a là ? Il lui frappa du bout du doigt sur la poitrine un cœur ou bien un caillou. Tout ce que je puis te dire en réponse à la question que tu me poses, c'est que je connais un homme politique auquel le mariage a rendu et rend journellement les plus grands services. Il est libre penseur, mais pour sa femme qui a des principes religieux, il fait élever ses enfants chez les jésuites. Il a le mépris des choses d'argent, et par fierté, autant que par probité, il voudrait se tenir en dehors des affaires. Seulement pour sa femme, qui a des goûts de luxe et de dépenses, il a été obligé de laisser mettre son nom dans 5 ou 6 grandes entreprises financières, qui font sa fortune, malgré lui. Il n'a aucune ambition personnelle, et il fait de la politique par amour de son pays. Malheureusement, sa femme n'est pas comme lui. Elle a la vanité du pouvoir, la passion du portefeuille, et pour elle seule, il commet toutes les vilainies, toutes les lâchetés, pour accrocher un ministère. C'est l'intrigant que tu dépeins là, ce n'est pas l'homme politique. Assurément, je suis loin de penser que tu es un intrigant, et je crois que mes protestations à ce propos sont inutiles. Mon amitié pour toi, nos relations, valent mieux que des paroles, n'est-ce pas ? Seulement, j'espère que tu me permettras de me demander si tu es vraiment un homme politique. Comment cela ? Assurément, tu n'es point de la même espèce que ces jolis produits du parlementarisme, qui se croient des hommes politiques parce qu'ils ont trouvé dans l'héritage de leur père ou de leur beau-père un habit d'orateur, et parce qu'ils ont soigneusement appris dans les traditions de la famille l'art de parler de tout pour ne rien dire, ou le talent, non moins utile, d'écouter finement en s'accoudant sur la cheminée d'un salon dans une pause diplomatique. Mon père était avoué, interrompit Georges, et je n'ai trouvé que sa robe pour tout héritage dans sa succession. De même, continua Narbanton, Tu n'as rien non plus de ces hommes d'État qui se sont jetés dans les affaires publiques parce qu'ils ont été incapables de faire les leurs. Avocats qui plaident à la tribune la cause de la France parce qu'ils n'ont pas de cause civile ou criminelle à plaider au palais. Financiers qui jonglent avec les millions du budget pour se faire engager dans quelque compagnie particulière où leur notoriété politique leur vaudra une position qui n'eût point été accordée à leur mérite personnel. Nullités vaniteuses qui se font nommer dans leur province pour venir briller à Paris, étudier les affaires du pays, les discuter, les voter, et pour elles, le petit côté de leur situation. Ce qui les touche, c'est d'être députés, d'écrire leur correspondance sur du papier avec en tête officielle, et de donner des billets de séance à des gens qui ne les prenaient pas au sérieux. Tu oublies, dans ton énumération, l'homme qui se consacre aux affaires de son pays par dévouement, par conviction, parce que c'est dans la vie politique que se trouve le plus haut emploi des facultés humaines, du courage, de la foi en soi, qui domine les masses, et de l'éloquence qui les entraîne ou les arrête, de l'intelligence assez puissante pour saisir l'ensemble des choses, de la présence d'esprit assez ferme pour décider instantanément les plus grandes questions, de la mémoire assez sûre pour n'hésiter jamais, de la volonté assez haute pour n'être abattu par rien, ni par les malheurs de la patrie, ni par les douleurs personnelles. Enfin, de certaines qualités physiques dans la voix, le regard et le geste, sans lesquelles toutes les autres ne sont rien. Je suis tout disposé à reconnaître que tu as ces qualités, et même d'autres que tu oublies. Cependant, je ne dis pas que je les ai, mais je soutiens qu'elles sont assez enviables pour expliquer qu'on veuille être un homme politique. Parfaitement. Seulement, je crois que parmi ces qualités, il en est une qui te manque. S'il ne m'en manque qu'une, dit Georges, avec la superbe assurance d'un homme qui se sait assez riche pour n'avoir pas besoin de compter rigoureusement, c'est que celle-là est déterminante. Laquelle ? Il faut la violence que tu as faite tout à l'heure à ma franchise pour me décider à la nommer, la conviction. Georges s'arrêta brusquement. En effet, dit-il, la franchise va un peu loin. Aussi doit-elle être expliquée. Tu as une attitude, l'attitude républicaine, qui détermine pour le moment tes paroles et tes actions. Mais tu as vraiment une conviction ? Ne sois pas blessé par cette interrogation. Tu vas voir qu'elle n'a rien d'injurieux pour toi. Si je te connais bien, ou plus justement, si je te retrouve aujourd'hui ce que tu étais autrefois au temps de notre intimité, tu es un esprit pratique beaucoup plus que théorique. Et les formes de gouvernement, autrement dit les principes, n'ont pas pour toi une importance décisive. Pourvu qu'on applique certaines idées générales que tu as dans la tête et dans le cœur, tu t'inquiètes peu de savoir quelle main dirige le pouvoir, si elle est royale, impériale ou républicaine. Cela peut conduire très loin quand on fait de la politique active et par des chemins bien différents, au Capitole ou aux Gémonies, comme nous disions autrefois. Ajoute à cela que tu as un besoin de certaines satisfactions qui aggravent ta situation. Qu'entends-tu par là ? La façon dont tu as organisé ta vie répond pour moi. Elle n'a rien d'austère, cette vie, et je ne crois pas que tu sois homme à souffrir volontiers le martyre de la pauvreté. Aussi, je trouve que dans ces conditions, la carrière politique est pleine de dangers, et je pense qu'au lieu de vouloir la tenter, il serait plus sage de se contenter de devenir le premier avocat du palais. Il y aurait là tout autant de gloire à gagner, et à coup sûr plus de profit, plus de tranquillité et plus de bonheur. Avec Charlotte, n'est-ce pas ? Oh, cela, je n'en sais rien. Là, cependant, est la question, et c'est de Charlotte qu'il s'agit, non de moi. Pour moi, je n'accepte ni tes appréciations, ni tes pronostics. Mon attitude est correcte. Les attitudes, on en change, et celles qu'on prend sont toujours correctes, tant qu'on les garde. L'avenir te prouvera que tu me juges mal. C'est à lui que je confie ma défense. Au reste, je te le répète, ce n'est pas sur ma ligne politique que je te consulte, c'est sur mon mariage. Tout ce que tu viens de me dire en longues phrases apprêtées pour ne point me blesser se résume en un mot. Tu me crois ambitieux. Ne l'es-tu pas ? Si je le suis, ce n'est pas comme tu l'entends. La question se résout donc à savoir si Charlotte, mariée à un ambitieux, peut être heureuse. Car tu me crois incapable de ressentir l'amour. J'espère que tu me juges susceptible d'amitié. Or, la vérité est que j'ai beaucoup d'amitié pour cette pauvre petite cousine, près de laquelle j'ai été élevée. Si je l'épouse, sera-t-elle heureuse ? La réponse, il me semble, est en toi, et en toi seul. Je veux dire, trouvera-t-elle dans la vie que je lui ferai les éléments nécessaires à son bonheur? La médiocrité de ses goûts, la simplicité de son éducation, son humeur, son caractère, ses habitudes, tout semble devoir l'éloigner de l'existence mondaine dans laquelle je suis obligé de l'entraîner. Se façonnerait-elle à cette existence? Et trouverais-je en elle les qualités qu'un mari, dans ma position, est en droit de demander à sa femme? Après quelques mois, n'arriverions-nous pas mutuellement à une déception? Tu sais maintenant pourquoi je balance à m'expliquer avec mon oncle et à lui demander s'il est prêt à m'accorder Charlotte. Ajoute encore que je suis à peu près certain de rencontrer une opposition assez vive chez mon oncle, qui est dans les mêmes idées que toi à propos de la carrière politique. Tu verras alors que j'ai bien des raisons pour rester hésitant, et tu ne trouveras pas étrange que j'ai agité avec toi cette question de laquelle dépendent deux existences. Narbanton marcha assez longtemps près de son ami, la tête basse. Sans en avoir conscience, il avait allongé le pas. « Marchons moins vite, » dit Georges, « car nous arrivons. » « Et tu veux ma réponse ?» dit Narbanton, relevant la tête. « Eh bien, mon ami, cette réponse est dans ton hésitation même. Celui qui, en présence d'une créature ravissante comme ta cousine, réfléchit, calcule, combine, arrange ses affaires, pense au monde, dispose sa vie, consulte ses propres goûts et ses sentiments, au lieu de se laisser toucher par l'amour et d'être entraîné par lui. Celui-là n'est pas digne de devenir jamais le mari de cette jeune fille adorable. « Et si tu la trouves si adorable, que ne l'épouses-tu toi-même ? » répliqua Georges. « Moi ?» Mais à ce moment, Charlotte ouvrit la barrière du jardin et, se faisant avec sa main un abat-jour contre le soleil, elle regarda au loin si elle apercevait les deux amis. Ils hâtèrent le pas et n'ajoutèrent pas un mot à leur entretien. Fin de la section 16.